son diello. Dis-moi c'est comment. Carbonisation. Dis-moi c'est comment. C'est de l'eau. La vie de ma mère. Arrête tchalalala. T'es tchalalala. Arrête tchalalala. T'es tchalalala. J'y fais du sahal. Du sahal. J'y fais du sahal. Du sahal. Les meufs comme toi. Dis-moi c'est comment, trop de manières, dis-moi c'est comment, trop de manières, dis-moi c'est comment, dis-moi c'est comment, dis-moi c'est comment, trop de manières, j'ai beaucoup d'argent, trop de manières, j'ai beaucoup d'argent, trop de manières, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent. La vie de ma mère. Arrête tchalalala, t'es tchalalala, arrête tchalalala, t'es tchalalala, tu fais du sahal, du sahal. Son secret, ton secret, mon négro faut changer. Ouais. Comme un imbécile, tu l'as cru, t'es tombé, t'as douillé. Trop de manières, dis-moi c'est comment. Trop de manières, dis-moi c'est comment. Trop de manières, dis-moi c'est comment. Dis-moi c'est comment, dis-moi c'est comment. Trop de manières, j'ai beaucoup d'argent. Trop de manières, j'ai beaucoup d'argent. Trop de manières, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent. La vie de ma mère. Arrête tchalalala. T'es tchalalala. Arrête tchalalala. T'es tchalalala. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent.